Et nous Seigneur, nous réclamons les prix en plus de prix de bénédiction. Oui, nous désirons les prix, les gouttes, les gouttes grâce en bateau. C'est nous, mon Dieu, mais nous réclamons les fruits. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, à toi nos louanges et notre adoration, nos remerciements et nos actions de grâce, notre gratitude et l'attachement. Car toi, tu ne cesses de nous servir. Le souffle de vie est permanent. Tu nous le donnes jour et nuit. Tant que nous n'ayons rien payé. Pour avoir ce souffle de vie. Alors que les humains, ils doivent donner de l'oxygène aux gens. Ce sont des grosses factures. Des centaines et des milliers de dollars. Par heure et par jour. Mais nous, que savons-nous payer? Pour avoir la bonne santé. Avoir un corps en forme. Pour se déplacer. Réaliser des programmes. Tout ceci, c'est ta bonté. Ton amour envers nous est réel. Est-ce que nos cœurs soient touchés par cela? Que toute ingratitude soit bannie. Donne à chaque cœur la reconnaissance. Et l'esprit de paix pour te servir. Aucune incrédulité ne puisse avoir de lendemain. Mets en nous la foi. La foi de Jésus. La foi scripturaire. La foi révélée. La foi de cette heure-ci. Pour dire non à toutes les confusions. Au mensonge de l'auge. N'écoutez que ta vérité. Dire non à toutes les fables. Inventé par les hommes et les fausses doctrines, vaincu par les démons, pour les mauvais vents, protégeons contre cela. Et notre souverain berger, en tant que trouve la vraie sécurité, pour le corps et pour l'âme, nous confions en toi de tout notre cœur, comme tu as promis, avant que tu veilles sur ta parole, et que tu accomplisses dans nos vies. Parle à chaque cœur. Et bénis notre réunion de soir. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Mais avant de le faire, je dois mentionner que ce jour-là, notre frère David, qui avait échappé à l'accident, était bel et bien arrivé à destination. Et depuis hier soir, notre frère Prince est libéré de l'hôpital. Dieu est vivant, il est grand de prière. Soyons debout et forts. La prière change les choses. Elle peut même abréger l'hospitalisation. Dieu est plus grand que les médecins. Dieu est plus grand que les hôpitaux. Dieu est plus grand que les humains. Le frère Prince vous a remercié pour le soutien moral et spirituel, pour les prières en sa faveur. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire la parole du Seigneur dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Ils introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles flatteuses ou trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Kasi basakolina lokuta, bajalaki kati na bato. Pela moko, balakisi na lokuta, bajali kati na bino. Bango, bako yeisa, bikamu anana bibeki, bako angana atamu pondi uyo asali kusiko la bango. Bako benda, libebi moki efai na bango penza. Mingi, bako bila mugulu na bango mwanene pe, kuna bango njela na solo, ifotukama nabiluyela na bango bakozwa litomba kati na bino na maloba na kokosa nde ekweli ebongisani mpo na bango longwa na kala ezali kolambela pamba te libebi mpo na bango ekowumela kolala pongi te. Matthieu chapitre 9 verset 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Balelamaki lokola bampate bazali na mopateli te boyalobi na bayekoli na ye ete mboma na elanga eteli mingi mpenza nde basali bazali mingi te bombela nkolo na elanga ete atinda basali kati na elanga na mboma na ye. Seigneur, bénisse la lecture de sa parole. L'âme et la femme de la bouteille de la bouteille. Bonsoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons la parole du Seigneur. Et nous aimons sa présence dans sa parole, dans son église. Nous aimons Dieu de tout notre cœur. Toi aussi. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu de tout ton cœur? C'est pas tout le monde apparemment qui aime Dieu de tout son cœur. Il y en a encore qui n'aiment pas Dieu de tout leur cœur. Ils n'arrivent pas à se prononcer. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer à parler de Dieu qui veut une église établie. Troisième partie. Pour, si vous êtes assez attentif, mercredi, nous avons eu à lire le passage de 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Mais, on s'était limité juste à la première lecture là. Et l'Esprit nous a conduit ailleurs. Pour prêcher complètement autre chose. Que Dieu soit loué pour lui et pour ce qu'il fait. Il sait ce qu'il lui fait. Il ne nous informe pas de tout. Et certainement que ceux qui étaient là étaient édifiés. Il y a 48 heures à la réunion. Dieu nous a nourris. Mais la prédication, ce n'est pas ce qui était prévu. Hier encore, au lieu de revenir à ce dont on parlait vendredi et dimanche dernier, nous sommes allés parler de l'ange de Dieu contre la mort prématurée. Et ceux qui étaient encore là au service d'adoration, étaient que Dieu soit loué car il fait tout à merveille. Et à la fin, je vous avais proposé une chose pour dimanche. Pour avoir une réunion d'adoration, prière ce dimanche. J'ai confiance que vous réfléchissez correctement. Nous n'imposons rien. Nous respectons les programmes de l'Église. Mais en nous attendant tous à Dieu. Pour que Dieu nous conduise, car nous ne pouvons pas conduire Dieu, c'est Dieu qui doit nous conduire. Nous. Et le message nous l'a rappelé hier soir encore. C'est Dieu qui doit nous conduire et lui nous appelle ses brebis à lui. Nous n'avons pas à conduire Dieu, mais nous devons nous laisser conduire par Dieu. Alors je vous avais qu'aujourd'hui, Dieu voulant, et j'ai confiance qu'il le veut jusqu'à cette minute ici. On a parfois peur, hein. De promettre et de rassurer les choses. Voilà. Le mouvement de l'esprit est très compliqué. Il peut vous amener, on dirait que vous ne croirez pas, mais il vous amène ailleurs. Aussi simple que ça. Mais enfin, jusque là, j'ai comme l'impression que Dieu aussi le veut. Soyons revenus sur cette pensée que je viens de dénoncer là. Dieu veut d'une église établie, troisième point. Voyez, quand dans un endroit il n'y a pas d'église établie, la situation est déplorable. Nous voyons l'illustration ici dans Matthieu chapitre 9. Et également dans 2 Pierre chapitre 3. Dans les deux possibilités, tout est déplorable. La bonne possibilité est celle qu'on a lue au centre là, dans 1 Timothée 3, verset 14 et 15. Là où il y avait une église établie, on savait que c'était la maison de Dieu. Et là, c'était l'église du Dieu vivant. Et elle était la colonne et l'appui de la vérité. Et là, les gens qui viennent y adorer, qui viennent y servir Dieu, on a écrit qu'ils doivent savoir comment se conduire dans la maison. Il y a une ligne de conduite, un comportement recommandé. Là où Dieu a eu l'assemblée locale établie, que lui-même a lancé, a suscité, qu'il est écrit et qu'il nourrit. C'est un endroit, c'est la meilleure compagnie au monde, comme la meilleure compagnie qu'il nous faut adopter. Cette église n'est de nouveau. C'est l'endroit où il se rassemble. Dans la petite ruelle, au bord d'une petite avenue, au bord d'un grand boulevard, en plein air, parce que c'est une église véritablement née de nous. Nous avons appris à l'apprécier. La meilleure compagnie au monde à adopter. Le prophète William Branham nous l'a enseigné. Il n'y a pas de meilleure compagnie au monde à adopter. Votre compagnie. Ami. Une église biblique. Scripturaire. Spirituel, du plein évangile, qui croit toutes les écritures et les prêches. Amen. Une assemblée suscitée par Dieu. Nous en avons besoin quand nous nous rassemblons. Alors c'est le cas comme ça. C'est notre église maison. Voilà, là, nous y sommes heureux à l'aise. Voilà, nous écoutons et nous mangeons tout ce que nous voulons. Nous prions et nous recevons toutes les réponses. Nous témoignons et nous chantons les louanges du Seigneur. Et nous les servons d'après la parole revenue. Une telle compagnie, voilà, chacun en a besoin. Il en faut une à chacun de nous. Une compagnie à ne pas délaisser. Une compagnie à ne pas abandonner. Car dans Hébreux 10, verset 25, n'abandonnez pas votre assemblée. Donc, c'est la coutume de quelques-uns. Il s'agit là de l'assemblée locale. Dieu dit, ne l'abandonnez pas. Elle doit être votre compagnie. Votre lieu d'aisance. Votre lieu de joie. Un lieu d'adoration. Un lieu de prière. Et quand nous y entrons, quand nous y allons, nous devons savoir comment nous conduire. Dieu l'a recommandé comme ça. Êtes-vous fiers de ses recommandations? Vous allez des directives de sa parole. Heureux de ses consolations. Oui, que Dieu vous bénisse pour ça. Il nous faut chacun une seule compagnie. Et vous portez à cœur et en prière. Et vous soutenez par votre présence et vos prières. Et vous soutenez par vos dîmes et vos offrandes. Et vous concentrez les sacrifices. Sans que votre œuvre dans le Seigneur ne sera jamais faite. Et ce n'est pas un arbre qui n'a pas été planté par Dieu. Il sera déraciné, j'étais au feu. Mais vous avez affaire à une plante venue de Dieu. Et Dieu a planté cette vie là. Il veille lui-même. Il la garde et la rose. Il le monde pour qu'elle produise beaucoup de fruits. Il est le souverain berger. Il a le gardien et le conducteur. Donc dans 1 Timothée 3, 14, c'est la meilleure des choses qui nous est présentée. D'avoir près de nous la maison de Dieu. L'église du Dieu vivant. Et sans la colonne et l'appui de la maison. Nous voulons dire une église établie. Suscité par Dieu, édifié par Dieu, entretenu par lui, soigné par lui-même. Oh, quelle merveille, quel privilège. Maintenant, à côté de ça, on a des situations déplorables, dramatiques, qui sont décrites ici. Dans Matthieu 9, Versets 36 à 38 qu'on a lu. Mais également dans 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. Mais dans la situation de 2 Pierre chapitre 2, on mentionne quand même un groupe, malgré l'existence des faux prophètes qui sont déplorés, mais il y a un groupe là qui est visé par ce faux prophète et ce troubadour. Mais également dans Matthieu chapitre 9, bien que le peuple était comme des brebis sans berger, il y a eu quelqu'un qui a compati pour eux. Malgré la détresse qu'il y avait autour, quelqu'un a compati et il a formulé une recommandation. Jésus-Christ, le bon et souverain berger. Comme pour vous dire quoi, il n'y a pas de faux sans qu'il y ait du vrai. Mais il peut y avoir du vrai sans qu'il y ait du faux. Mais pour que vous ayez du faux, il faut qu'il y ait d'abord du vrai. Dans Matthieu 9, on décrit la situation des brebis sans berger. Et c'était des brebis faibles, impuissants, languissants, et abattus. Quel état! Lisons. Attends. Revenons dans Matthieu 9. Revenons dans Matthieu 9, papa Ligoire. Voyant la foule, il fut émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça, c'était la foule. Et Jésus-Christ n'était pas le berger de la foule. Jésus-Christ n'est pas le berger de tout le monde, permets. Jésus a jeté le regard sur la foule. Et il a remarqué que la foule était languissante. Elle était abattue. Comparable à des brebis sans berger. Jésus-Christ n'était pas le berger de la foule. Jésus-Christ n'est pas le berger de tout le monde, pêle-mêle. Il est le bon berger de ses brebis. La foule ici, ce n'était pas des brebis. La foule était la foule. Et Jésus a jeté les regards, il a vu la foule. Mes amis, tout rassemblement n'est pas fait que des brebis du Seigneur. Même si c'est un rassemblement des religieux, ça se réunit au nom de l'Église. Ne vous dites pas que forcément il y a des brebis de Christ. Vous la foule, c'est la foule. Et il y a un adage qui dit que la foule n'a pas d'âme. Les masses n'ont pas d'âme. Les masses se méfient des réactions, des mouvements des masses. L'homme dit que la foule n'a pas d'âme. Ce qui s'appelle foule n'a pas de nature identifiable. Ce qui s'appelle foule veut dire n'importe quoi. N'importe quoi peut se faire par la foule. Mais Jésus-Christ n'est pas le berger de la foule. Il n'est pas le berger de la foule. Il est le berger de ses brebis. Qui dit amen? J'aimerais que vous compreniez ça. Revenons à Jean chapitre 10. Tout en gardant la page de Matthieu 9. Pour évoluer ensemble dans la paix. Il dit ceci. Versets 1 et 2. Jean 10, versets 1 et 2. En vérité, je vous l'ai dit, c'est celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais c'est celui qui entre par la porte est le berger de quoi? Pas de la foule, mais de la. Au verset 7. Jésus leur dit encore, et vous écoutez encore. En vérité, je vous l'ai dit. Je suis la porte de quoi? Des brebis et non pas de la foule. Ni de foule. Identifié, ayant une nature claire. C'est vrai. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est vrai? Pour ceci, c'est l'exacte vérité. Verset 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Verset C'est exactement cela. Voilà, j'allais prendre la cité qui est en verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jésus-Christ n'est donc pas le berger des foules. Il n'est pas le berger des masses populaires et des groupes de gens. Non. Il est le berger de ses brebis. Et ses brebis doivent se manifester en les suivant lui. Mais donc, elles peuvent suivre n'importe quoi. C'est qu'alors, elles ne sont pas de ses brebis. Si quelqu'un prétend être brebis du Seigneur, mais se met à soutenir n'importe quel brebis, il prouve par là qu'il n'est pas brebis du Seigneur, que Dieu nous aide. Jean 10 au verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Chacun doit s'identifier. Chacun doit décliner sa vraie nature. Donc, on est pas en train de parler de Jésus. Êtes-vous de la foule religieuse? Ou êtes-vous des brebis du Seigneur? Les brebis du Seigneur connaissent la voix du Seigneur et ne se mettront pas à suivre un mercenaire. Elles ne suivront pas quelqu'un qui cherche sa propre. Les brebis du Seigneur connaissent la voix de l'Éternel. Elles ne suivront que la voix du bon berger. C'est la différence, monsieur. Qui est celui qui dit amène à la vérité? Non, est-ce qu'il y a plusieurs prétentions dans le milieu religieux? Mais le fondement qui demeure, c'est que ce n'est pas tout ce qu'ils disent qu'il serait. Le Seigneur lui-même connaît ce qui lui appartient. Et il va les manifester le long du chemin jusqu'au bout. Alors revenons à Matthieu 9. Voyant la foule, verset 5 et 36. Il fut mis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Comme, on dit bien comme, ce n'était pas des brebis, mais comme la foule dans l'état où Jésus a compati pour elle. C'est comme si elle était composée, des brebis. Mais c'était une foule. C'était la foule. Mais comme il cherchait les âmes à sauver, il a regardé dans la foule. Et la compassion divine a agi. Et il regarde, il dit, mais ils sont comparables à des brebis. Or, dans les sermons intitulés Pourquoi fallait-il qu'ils soient sans berger, le Brenham a dit qu'une brebis ne peut pas se conduire elle-même. Mais il a besoin d'un berger pour la conduire. Une brebis ne peut pas se conduire elle-même. Mais une vraie brebis a besoin d'un berger pour la conduire. Mais une brebis sans berger, elle est faible. Elle est impuissante. Elle est sans force. La force de la brebis, c'est le berger. Mais un berger sans brebis, où est sa force? La force du berger aussi, ce sont les brebis. Car les bergers sans brebis, le mot même berger perd de contenu. Ça n'a pas de sens. Qu'on soit berger sans brebis. Tu es berger de quoi? Bergeron de n'ayant de rien. Le mot berger Mubawana a son sens. Celui qui est berger Mubawana a son sens. Mais un berger sans brebis, il est faible, il est impuissant, il est pamba. Même le titre perd son sens. Est-ce que vous voyez tout ça? Donc, dans un sens, le Seigneur qui était berger, et qui était venu verser son sang pour racheter ses brebis, quand il a regardé la foule qui s'était assemblée là, autour de lui, bien sûr. Il savait que cette foule était composée d'hommes et de femmes. Ce n'est pas qu'il manquait d'assemblée locale quelque part. Il savait les églises qu'il fréquentait. Et Jésus le savait. Mais ils sont venus s'abandonner là. Ils n'avaient pas encore pris d'engagement pour Jésus. Et Jésus n'avait pas d'engagement à l'égard. Ils appartenaient à leur communauté locale. Mais il les a vus là, attentifs. En train d'essayer de suivre le programme de Jésus. Sans y être habitué. Sans en être capable. Ces disciples, on ne les a pas décrits dans un tel état. On n'a pas décrit les disciples de Jésus comme étant languissants. Nous, on a décrit Pierre, Jean, Barthélemy, Lévi, Matthieu, dans cet état-là. Mais c'est la foule des gens venus de tous côtés. Ils se sont retrouvés près de Jésus. Mais ils ne s'étaient pas encore engagés envers lui. Ils avaient encore chacun l'identité de son église. Mais on ne pouvait pas dire précisément si cette foule-là était des pharisiens, des sadducéens, des zélotes, des épicuriens, des stoïciens. On ne pouvait pas donner une identité précise à cette foule. Et la foule là qui n'était pas habituée à ça. Et pour nous rentrer dans ces affaires de Jésus. Vous savez quand on commençait, mais vous ne savez pas quand finit. Vous savez où on les rencontrait, mais vous ne savez pas. Alors, ils ont participé du début à ça. On leur avait donné ni tasse d'eau, ni tasse de café, mais pas un petit biscuit. Et ils étaient curieux. Mais ils ne voulaient pas partir. Ils étaient dans la foule. Jésus les regarde. Ah, ils ont pu quand même s'efforcer de tenir. Pas les habitudes, les réunions habituelles. Ils étaient dans de si longues réunions comme ça. Les pharisiens là-bas, les rabbis.

il ne peut pas laisser ses enfants comme des brebis sans berger. Revenons à Matthieu 9. Sa compassion est allée plus loin. Et il a vu que la foule était comparable à des brebis sans berger. Alors que le composant de cette foule-là, c'est de la communauté, de la communauté, la loge des pharisiens, la loge des sadducéens, la loge des épicuriens, la loge des stoïciens, la loge des zélotes. Vous faites avec beaucoup d'affaires pour la politique. C'est un regroupement religieux. C'est important. Les sadducéens, les stoïciens et les épicuriens, mais aussi des groupes critiques. Mais Dieu a vu tous les adhérents de ce groupe. L'assemblée dans une foule disparate. Sans identité spirituelle. Tous confondus. Et qu'est-ce qu'il dit alors? Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur dit que la moisson est grande. Il a dit, nous avons beaucoup de prédications. Nous avons beaucoup de gens capables de prêcher. Est-ce que vous avez des yeux pour voir ou vous ne voyez pas? Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce Dieu qui le veut ainsi? Et tel son prédicateur, ça on ne veut pas voir. Mais on juge d'après nos propres capacités et nos propres critères et nous pensons être spirituels. Nous ne demandons aucun fondement biblique. Mais on cite quand même. Par orgueil. Le manque d'humilité. C'est pas la vérité écrite. Le Seigneur n'était pas stupide. Quand ici il dit la moisson est grande, son principe reste vérifiable. Sa parole demeure d'actualité. Il le dit, il le pense. Et ce qu'il pense de sa parole, il ne changera jamais. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que faire? Commencer à adopter les ouvriers ou les sélectionnés selon notre propre approche. Non, mais Dieu a dit qu'il vous donnera des bergers selon son propre cœur. Et d'aller en former à votre guise. Quelle sorte de prédicateur? Quelle sorte de ceci? C'est comme j'ai passé, j'étais dans un taxi bus, oui. J'ai passé dans, il n'y a pas longtemps ici. J'étais dans un véhicule sprinter. J'ai vu, on a écrit là, non loin du palais du peuple. Pas tout ça du robot. Si vous venez de l'avenue du 24 novembre, à droite. Après le robot roulage là, c'est l'école des femmes pasteurs. Et puis on dit l'école des langues, puis dit école des femmes pasteurs. Et j'ai regardé ça attentivement, comme le véhicule s'est arrêté pour charger des gens. Mais c'est quoi ça? Tout une école pour former des femmes pasteurs. On a dessiné une femme en toge. Et inadaptable. Alors c'est déjà comme ça qu'on va établir ici le groupuscule appelé Église. Dieu va changer sa Bible pour adopter des choses comme ça. Comme mes servantes ont dit, elles ont trouvé l'idée. Oh, combien d'ouvrir une école de femmes pasteurs. Je vais les admettre aussi dans mon royaume. Dieu n'est pas un stupide. Il se contredit jamais. Il a dit, je ne permets pas la femme d'enseigner. Il ne prend l'autorité sur moi. Cette parole demeure éternelle. Amen. Toutes vos écoles de femmes pasteurs sont des sorciers. Ils donnent des diplômes à des sorciers. Amen. Même si tu la prends comme pasteur, ma bergère, Dieu te considère comme une brebis sans berger. Parce que lui ne t'a pas donné cette femme. Il ne t'a donné une femme comme berger. Elle ne fera jamais. Amen. Il ne peut pas violer sa parole. Jamais. Oh, maman pasteur, il y a un visionnaire de l'église. Maman pasteur, il y a une vision église. Hein? C'est pitoyable des choses comme ça. Ah, voilà. Nous ne devons pas collaborer avec les bêtises. Êtes-vous là? Vous allez là? Que Dieu nous aide. Hein? Il y en avait une ici qui faisait du bruit vers le 17e rue. Oh, si vous mettez les photos de vos ancêtres, les amis, les mots, les esprits de mort. Maintenant, vous faites quoi? Donc vos photos sont plus importantes que les photos de nos membres et des familles. Et vous serez interdit d'afficher les photos de papa qui est mort, de maman qui est morte, parce que ça fait garder le fruit de mort dans la maison. Mais quand maman pastoresse mère, on prend sa photo, on prend le fruit de mort. Voyez-vous la confusion? Du mensonge religieux. Sortez du milieu d'eux. Dieu ne connaît pas ces choses-là. Dieu ne connaît que sa parole. Amen. Venez à sa parole. Êtes-vous là? Il n'était pas insensé quand il dit, prie le maître de la moisson. C'est lui qui est le propriétaire d'employé et ouvrier de la moisson. Allez-vous le faire? Mais les gens, au temps de la fin, il semble qu'ils ne veulent pas faire ça. Parce que la Bible a prophétisé qu'il en serait ainsi. 2 Timothée chapitre 4. Verset 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pena bilaka malamu te. Umuni santina. Upambola. Upesa tuni. Na matema petepe na kulasi saka. Car il viendra un temps, et ce temps est déjà venu, où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, comme interdit aux femmes d'enseigner. Ils sont des talents. Je n'en disconviens pas. Oui, elles peuvent prêcher mieux que les hommes. Elles ont l'art oratoire. Elles peuvent être formées à être des conférenciers. Dieu ne te connaît pas sur place. Tu peux bien parler comme Caïen. Mais tu n'es pas un élu de Dieu. C'est tout. Tu viens pour voler l'argent de Dieu comme un Moïse dit, Dieu ne te connaît pas cette place. Dieu va t'humilier. Il te demandera des comptes de ce que tu as fait de sa fête. Ne suivez pas ces gens-là. La Bible dit plusieurs les suivront dans leur dissolution, dans leurs aventures, mais les élus du Seigneur ne suivront pas. Les élus du Seigneur n'écouteront que la voix du berger. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Comment des hommes peuvent accepter d'être prêchés par une femme? Je me demande, est-ce qu'ils sont vraiment des hommes? Ce sont des femmelettes. Des petites femmes, même pas des femmes vraiment, des petites femmes. Dominées spirituellement par les femmes. Des femmelettes en pantalon, en culotte. Maman, pasteur, moi, j'ai vu la Bible, avant nous, quand il y a sauté, il n'y a pas de... Amen! Ah! Et non! Faire ça! C'est ça, la bongo. Il dit amen! Puis, c'est où la main comme ça? C'est une femmelette! Femmelette! Oh, ta fréquence d'homme! Il prend la dîme sacrée de Dieu. Alors, nous avons des yeux pour voir, hein? Nous voulons que nos yeux fonctionnent. Nous voulons que tes yeux aussi fonctionnent. Utilisez-les pour bien voir. Les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et qu'est-ce qu'ils feront? Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, non pas selon le cœur de Dieu. Et ils vous diront, et comme ils auront la politique, de fanatisme politique. Vous voyez? Il s'entre dans les églises comme ça. Dieu n'y est pour rien. Et il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Tu es allé plus loin que ça. Voilà mes chers amis. Dieu montre la situation dans laquelle le monde s'est retrouvé là. Et nous vous disons que c'est en train de s'accomplir. Échappez à ces choses ici. Utilisez vos yeux et votre cœur par la grâce de Dieu. Priez, suppliez le Seigneur pour ne pas être la proie de ces esprits séducteurs qui enseignent des fables, qui amènent les gens aux fables. C'est pour là une des fables Quelqu'un m'a envoyé un petit tableau ici. M'a envoyé un tableau ici. En posant une question. Comme les choses imaginaires sont là. C'est pitoyable. On en parle de temps à autre dans le milieu du message. La note dit ceci. Voilà. Excusez-moi, je vais citer les noms. Parce que je lis la note, hein. En intégralité. Baruti Kasongo corrige William Marion Branham. C'est le titre. Beaucoup ne digèrent toujours pas que le pasteur Baruti Kasongo ait corrigé William Marion Branham. Comment un simple pasteur devrait-il se vanter d'avoir redressé un prophète de l'âge? Si le prophète a commis une erreur, c'est Dieu qui l'a par conséquent commis. Car le prophète est la bouche de Dieu. N'est-il pas écrit que la parole ne vienne qu'au prophète? Le berger de Baruti Tabernacle n'est pas un prophète. Il a une qualité pour corriger Dieu. Pour corriger Dieu. Mais le titre c'est Baruti Kasongo corrige William Marion Branham. Donc en corrigeant William Marion Branham, il a corrigé Dieu. N'est-ce pas dire ici que William Branham est Dieu? Il est clair et limpide. Il est clair et limpide. Commence à proclamer son propre message. Son message est contraire à celui de Branham. Il assume la responsabilité. Et il aura ceux qui le croiront. Pour rappel, le pasteur Baruti Kasongo a déclaré que Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. Ça, c'est une calomnie contre William Branham. Et j'ai dit non. Il a dit, un blanc ne peut pas se marier au noir. Mais pourquoi n'a-t-il pas interdit qu'on se marie? On ne se marie pas à une japonaise. Ou à une chinoise. Parce qu'il croyait que nous étions inférieurs. Mensonge. J'ai corrigé ça. J'ai corrigé quoi? Donc si calomnie, le prophète était présent corrigé. Tu corriges quoi? Est-ce que vous voyez le manque de sérieux? Donc tu dis un mensonge sur Branham. Et puis tu dis toi-même tu corriges ces mensonges. Ou tu corriges Branham. Il y a une seule race humaine. Même si tu épouses une blanche, elle vient d'Adam et d'Ève. L'écriture a dit, leur folie sera rendue manifeste. Veux-tu croire à la fidélité de la Bible? Amen. Ou tu es de ceux qui ont peur? N'applique pas ça à lui. S'il faut prendre les taureaux par les cornes, je tiendrai par le cou. La vérité doit être dite. Dans son papier, j'ai répondu simplement. C'est la personne qui critique. Et celui qui est critiqué. Sont tous des menteurs en pleine confusion. J'ai eu un tas de confusion du début à la fin. Donc, personne n'est habilité à corriger personne. Ce sont des confusionnistes. Pour la question de la sœur, il disait, pasteur, mais pourquoi dans le message il y a tant de confusion comme ça? J'ai répondu comme ça. Ma sœur, dans le message divin, il n'y a jamais eu de confusion. Et il n'y aura jamais. Mais de tout temps, il y a toujours eu des individus confusionnistes. Soit qui rôde autour du peuple. Soit qui s'infiltre parmi eux. Mais ce sont les individus qui sont contigus. Le message de Dieu, c'est la seule lumière de Dieu qui me fait en confusion. Et j'allais pour le faire en mais j'allais pour souci ça. Que cette lumière soit lumière sur notre terre. La Bible n'aura jamais tort. Tout prétentieux. Tous les faussaires. L'Écriture a dit qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. Car leur folie sera rendue manifeste pour tous. Et tikali mukia ba misipo kolongola bilamba ba kokoma vrai maboma na babalabala wundi ba kolongola bilamba. Ogondi mate mais asuki bongo. Quand Dieu ne t'a pas vu à un poste, pour son peuple dans son église, mesure papa. Le royaume de Dieu n'est pas un truc d'aventurier. Le royaume de Dieu est coordonné. Le Dieu qui est le Dieu d'ordre. On ne s'attribue pas une fonction à votre royaume. Le royaume de Dieu, on y est établi par Dieu. D'abord, le mariage interracial est interdit. C'est pas idéal. Dit, parce que la race noire a beaucoup de qualités supérieures à la race blanche et des qualités que l'homme blanc n'aura jamais. Il donne par exemple, il dit que l'homme noir est insouciant. Il peut même manquer de tout, mais il sera serein. Ça, l'homme blanc ne le sera jamais. Alors, c'est pour ça qu'il faut pas les mélanger. Gardez-les tels que Dieu les a fait. Et nous sommes comme un jardin de fleurs. Laissez les blancs se marier entre eux. Laissez les bruns se marier entre eux. Mais quand un individu s'élève et dit pourquoi on n'a pas interdit les Japonais, vous voyez qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Ce n'était pas qu'un duo blanc noir. Il est venu qu'interdire le mariage entre le noir et le blanc seulement. Mais il a voulu que les races se marient entre elles en l'air. Les blancs entre eux, les jaunes, chinois et japonais, entre eux. Et les hommes de couleur entre eux. C'est aussi simple que dire Amen. Ils allaient faire la fête, vous voyez, le bongo. Je suis loué. J'en ai tout mis à main. Branham qui dit que la race noire a beaucoup de qualités supérieures. Lui il dit, oh Branham croyez. Que les noirs étaient inférieurs aux blancs. Il croyait ça où et quand. Et le mensonge doit être déballé. L'église a besoin de la vérité. Comme c'est crié plusieurs fois William Branham. What we need is the truth. Ce dont nous avons besoin, c'est de la vérité. Amen. Oh, vous ne voulez pas dire Amen? Vous n'avez pas besoin de la vérité. Maintenant, à cause des individus comme ça, la voix de la vérité est calomniée. À cause d'eux. Et on a des foules et des foules derrière. Ils sont en train d'acclamer et d'applaudir. Ce ne sont pas les brebis. Ça, c'est de la foule sans âme. Mais l'église du Seigneur avait une seule foi. Dans ce temps, le Seigneur a promis de restaurer cela. Dans Actes chapitre 4, vous le savez. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Voilà, des gens regroupés ensemble, l'église des deux vivants. On ne les a pas appelés foules. Ce n'était pas une masse de gens. Mais c'était la multitude de ceux qui avaient cru. Leur identité, c'était des croyants du Seigneur. Et peut-être sans âme. Mais il n'était qu'un cœur. Qui n'aime? Pourquoi? Parce que ces croyants-là, bien que nombreux, comparables à une foule, ce n'était pas une foule sans âme. Mais c'était un ensemble de croyants de ce que Dieu a appelé à sortir hors de lui. Et qui a converti au Seigneur. Le cœur était converti à Dieu. Et leur identité était celle de croyants. Dans leur âme, il y avait la foi. Que Dieu soit béni. Voyez-vous la différence entre la foule de Matthieu 9 et l'église du Dieu vivant? Quand Dieu l'établit sur le principe de sa parole, elle reflétera les vertus du Seigneur. Pas étonnant qu'il y ait eu ça. Il avait dit, il y a Pierre, et ce roc, il va attirer mon église. Et voilà quand il l'a battu. Au commencement là-bas, il avait une nature, une identité, et il ne pouvait pas être confondu à la foule. Mais il avait une identité claire et précise. Nous en voulons encore comme ça aujourd'hui. Nous en voulons comme ça de nos jours. Comme ma compagnie a adopté. Une église, rien de nouveau, remplie de l'esprit, marche selon le principe de la Bible. En voulez-vous une heure? Que Dieu nous l'accorde. Très important. Très important. Alors dans 2 Pierre chapitre 2, comme j'avais dit, on peut revenir encore là-bas. Une autre situation. Oh oui. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. On dit parmi vous. Ça c'est l'infiltration. Dans les milieux où l'évangile authentique est prêché. Dans le milieu où le message original était prêché. Dans des apôtres qui disent comment ça marche. Le Seigneur nous avertit qu'il y aura parmi vous. Il y aura parmi vous. En vous appelant frères et sœurs. Vous dites que vous êtes un groupe identifié. Mais il y aura parmi vous de faux prophètes. Or les faux prophètes ne sont pas les croyants du Seigneur. Les faux prophètes n'appartiennent pas à Dieu. Mais le Seigneur notre Dieu connaît ce que lui a appartient. Il connaît ses brebis. Et ses brebis les connaissent les filles. Mais voilà que parmi vous, il y aura des faux prophètes. Ils ne sont pas les élus de Dieu. Ils ne sont pas des vrais croyants. Ils n'appartiennent pas au Seigneur non plus. Ils sont des faux. Mais ils seront parmi vous. Ils seront parmi vous. Ah, on y est. Ils seront parmi vous. Écoutez, il y aura des mêmes parmi vous des faux docteurs. De faux enseignants. Les enseignants du mensonge. Qui se mettront en série de faussetés. Volontairement. Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Voilà. Voilà. Donc, Namayi le Mabé, Bamikotisye le Mouna Bino, Bala sa combo yaba frère, Bala sa combo yaba sœur, Bata la lokola bandeko na bino, mena mayele mabe, na skatezi ya moyibi, bako koti sa ba sekto ya bango moko. Oye ko zalaka na bako ndimelaka ya bango moko, na kondima oya biblia te, na kondima oya retabli te, me kondima oya bango moko, bako mindi bango na bango. Me parmi vous. Kati kati na bino. Kongola misi. Amen. Sosola. Amen. Ne te laisse pas impressionner. Mais il fait appel des apparences. Il y en aura parmi vous. Et vous ne vous questionnez pas que pourquoi il a nécessité. Mais Dieu l'a fait. Il permet qu'il en soit ici. Pour que les élus combattent et vainquent. Et se distinguent par les foi. Que ta foi à toi ne soit pas hybridée. Même si tu as été côtoyé par des faussaires. Et que tu as marché ensemble avec les faux croyants. Et les croyants de fausses doctrines. On va à toi doit se distinguer. On va demeurer scripturaire. On va demeurer à dit. Et lui qui croit à moi comme Dieu se l'a dit. Les fleuves d'eau vive couleront de son corps. Ta manière de croire doit être basée et appuyée sur la Bible. Quand tu n'as pas de passage biblique, tu n'as pas de passage biblique. Mais vous aurez parmi vous des gens qui n'ont pas ce genre de critères. Il va se lever et dire, mais le prophète c'est la bouche de Dieu. Le prophète est corrigé. Tu ne comprends pas ce que tu affirmes. Il a condamné qui soit. Mais ta foi à toi doit être biblique. Où est-ce qu'il est écrit que le prophète est la bouche de Dieu? Mais alors, on s'appuie sur ça pour reprocher là-bas, sans faire la leçon. C'est comme la braise qui veut prêcher les derrière de la marmite. Trois braises qui étaient dans la marmite qu'on avait mis sur les bois de chauffage. Laisse-moi te corriger, tu es trop sale, tu es noir. Vous avez la même couleur. Vous allez dans la langue de mon commun. Tous deux, dans les flots. Voilà. Allah. Entretenant de confusion. Dieu garde sa lumière pour ses élus. Je ne prétends pas en être un d'eux. Moi je crois sa parole comme il l'a dit. Ne me prêtez pas des intentions. Oh, il a dit que c'est lui seul qui est l'élu. Je ne prétends même pas être un élu de Dieu. Mais je crois simplement sa parole comme il a dit. Vous aussi croyez là comme il est écrit. Sommes-nous d'accord? Oh! Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs, des faux enseignants. Des enseignants de la société. Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. C'est déjà prévu. Je prie que ton âme à toi ne soit pas un jour victime. Que ton âme à toi ne devienne pas la proie de ces gens. Les gens qui évoluent dans les dérèglements. Et que vous allez les prendre pour des modèles. Pour des bergers. Pour la batterie. Comme étant vos prédicateurs. Titié, plusieurs, le chemin de la perdition est populaire. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est C'est vraiment pitoyable. Vous allez penser à moi. Comment dans le milieu d'un message comme le nôtre, on peut surprendre un certain Kadima qui était devenu hier. Il est déjà mort. Il était né à Kananga. Et comme il était né à Kananga, ça voulait dire Canaan. Ah! Un jour, sa femme, on a dit que le Saint-Esprit allait descendre du ciel. Une grande démonstration, une boule de feu descendait d'en haut là. Vraiment. Oh, alléluia! Vous pensez que c'est la spiritualité? Des émotions. On a vu une boule de sang, on est sur l'église comme ça. Oh, un initié de l'occultisme était là. Voilà, il était prendre une bougie, il a allumé. Il a jeté sur la boule de feu. La boule de feu s'est transformée en quoi? La femme de Kadima, nue. Elle est tombée par terre comme ça. Voilà le genre de Dieu qu'on a aujourd'hui. C'était la seconde venue. Cette prospérité déjà commencé depuis son temps là. Il était né à Kananga. C'était ça la seconde venue. Il est le premier dans le milieu du message à enseigner que Jésus est déjà venu. Ça, dans les années 80 là-bas. 1980 qu'on sort. Il était déjà dévié comme ça. Bon, maintenant, la doctrine a changé seulement de forme. Hein? Ils ont dit que Jésus, quand il mourait à la croix, il avait parlé à Chiluba. Oh. Et que les souliers, ces souliers, il avait dit, c'est lui qui aura l'esprit d'Élie. Donc Kadima, il devait garder ses souliers. Quelque chose comme ça. Il dit, Élie a si c'est quoi là? Et puis il dit, l'âme de Sabata. Ils ont dit ça comme ça. L'âme de Sabata bien dit. C'est ce qu'ils ont dit. Et puis ça, ils ont dit que c'est Kadima qui avait récupéré ses souliers. Parce que Jésus en parlant Mais c'est très regrettable. Parmi les gens qui ont entendu le message. Et un autre. Vous avez entendu parler de lui? Joseph Mukungubile. Lui aussi. Il était un croyant, semble-t-il, dans les Katanga là-bas. Il est devenu Élie le prophète. Et frère Branham n'avait pas achevé sa mission. Et l'esprit d'Élie est venu sur lui, Mukungubila. C'est lui qui devait accomplir la mission. Soyez sérieux. Et vous ici, qui est devenu Dieu. Maintenant, notre frère ici à côté, voisin du quartier ici, il est déjà devenu Dieu pour certains de ses frères. Vous ne semblerez pas croire, mais il est déjà devenu. Il y a des gens prêts à en venir aux mains. Ils veulent comprendre qu'il est Dieu. Dieu est dans la peau noire. Voyez toutes ces choses. Comment avec un glorieux message comme ça, les aventuriers peuvent venir se promener. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura des mêmes parmi vous de faux prophètes. Je parle la ruse qu'ils introduiront les histoires. Prenez-vous-en à la parole. Amen. Ah, le combat doit exister et le vainqueur doit se prévaloir. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Mais quoi, il y a des gens qui sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Voyez mes chers amis, que Dieu nous garde contre tous ces vents. Je vais lire ici pour terminer dans ces rangées du côté de Jésus. Du 1er juin 1962. Parole est correctement prêchée. Voulez-vous? Dieu veut une église établie. Alors il dit ceci. Permettez-moi de m'arrêter encore juste maintenant. Quand je suis allé à Bombay, je considère cela comme ma plus grande réunion à cause des effets que cela avait eu. Et moi, si en Afrique, on dit que 30 000 étaient venus à Christ en une seule fois, alors là-bas, 150 000 ou 200 000 vers à Christ en une seule fois, sur ce demi-million. Voilà, que pouvais-je faire? Mais il n'y avait rien. Voyez-vous le nombre d'âmes? 250 000. Peut-être il se peut, disons qu'il y avait, disons simplement qu'il y avait 100 000. Mais il n'y avait aucune église. Quand on a lancé l'appel à l'hôtel, ils sont venus. Mais il n'y avait aucune église. Je ne pouvais rien faire. Étant là en séjour limité. Le visa était un visa à durée déterminée. Et il n'y avait personne à qui le confier. Quelle perte. Le message que je croyais, il n'y avait pas une seule dénomination pentecôtiste qui voulait collaborer avec moi. Et toutes ces âmes sont carrément retournées chez les chiites, chez les daïs, ou dans le bouddhisme, et partout ailleurs. D'où elles étaient venues. Aucun endroit où les placer. Quelle perte pour nous. La proclamation de son message. Maintenant cela est une honte. On ne peut pas s'en vanter. C'était arrivé au temps de Frère Branham. On ne peut pas s'en glorifier. On doit reconnaître que ça c'est une défaite. Comment avec un seul homme qui a capturé autant d'âmes, nous réduisons vraiment à 100 000 âmes disposé à suivre le message. Mais Branham termine, il rentre, il plie, il le retourne. Ne trouvez-vous pas? Ça mérite d'être appelé une honte. Alors ceux qui pensent que Branham est Dieu, ils vont s'en prendre à ça. Comment est-ce que les prédicateurs de rien n'ont pas ça? Vous pouvez aussi dire ça. Il aime répéter les bandes, répéter les bandes. C'est une honte. Et c'est lui qui a fait ça, c'est pas Dieu, c'est un humain. Ici, il a failli. Ne voyez-vous pas? Vous allez comment la terre? Il a failli. À quoi il s'en est? Certains saints sacrilèges de l'édit. Nous n'avons tous les alliés pour tout à colombat. Ils ont fait de notre frère Branham l'église. Dans la peau blanche. J'en ai quatre n'a pas sur la femme. Ok! Sony à Bango. C'est pas vrai du tout. Vous allez à Soloté, Bakamou, vous allez à Koufa. C'est notre frère ennemi. Azalim de Konabi Fou, Moto. Dites-le, c'est notre frère ennemi. Vous allez à Moto, Azalim de Konabi Fou, Azalim Moto. Ça, c'est une honte. Oui, vous allez Sony. C'est comme si on ne savait pas ce qu'on cherchait, ce qu'on faisait. Mais quoi là, Batouba Yvitéli, vous allez qu'on connaît, vous allez à Koufa. C'est un déshonneur. Alors, bien, Zang, pour Zang, il s'accoute le couche. Voyez-vous? Vous m'en. Moi, je reconnais que c'est comme ça. Là, il a bien le mot utilisé est bien pété. Nous avons un oyo, parce que je manquais de coopération à cause de la position que je prends. Eh bien, en Afrique, je suis allé sous les auspices de l'AFM. African Faith Mission. La mission des Africains. De la des Africains. Et quand je suis allé, je ne peux pas m'accorder avec eux. Ils baptisent les gens d'un baptême trinitaire. Trois fois en avant. Et l'un d'eux baptise trois fois en arrière. Une fois pour Dieu le Père. Une autre fois pour eux, notre Dieu le Fils. Et une autre fois pour eux, notre Dieu le Saint. Baptisant ainsi trois fois différentes. Toute une histoire comme cela. Et peut-être que la réunion est durement. N'ayant pas été tenue convenablement. Et lui envoya une telle division parmi la foi. Il ne savait que faire. Et il n'avait nulle part où aller. Et au final, ils sont retournés. Dans le bouddhisme. Chez les chiites, chez les jaïs, Moussala et Pamba, évangélisation dont le résultat gaspillé. C'est une honte intentionnelle. Alors, si nous avons eu des âmes, et que nous sommes dans la volonté de Dieu, établissons une église. Je veux une église établie. Vous permettre aux gens d'avoir un endroit qui s'appelleront leur église maintenant. La meilleure compagnie au monde adoptée. Une église née de nouveau. Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Êtes-vous là? Aimons-nous la vérité? Son message n'échouera jamais. La parole du Seigneur réussira jusqu'au bout. Alors, il y a une question ici, je pense. Monsieur pasteur, à la lumière de la Bible, et la parole révélée, comment pouvons-nous digérer l'intitulé « La voix de Dieu » nom que porte le site des institutions, des brochures et des bandes. Il y a Mathieu Pinamikaba. Du message à Jeffersonville. Merci, précieux. Ah, au fait, si je lis ceci dans l'esprit de, du frère ou de la sœur qui a posé la question, c'est par rapport à une interprétation. Parmi les hérésies les plus redoutables qu'il y a dans les milieux du message. Quand ils ont appelé ça la voix de Dieu en français, ou pour être plus fidèle dans la traduction littérale du titre que ça porte, en anglais c'est Voice of God Recordings, ou en français les enregistrements de la voix de Dieu. N'est-ce pas que c'est simple à entendre? Dieu a parlé dans cet âge. Il a donné un message qui est son message. Et son message a été enregistré. De manière simple et biblique, ça se comprend comme ça. Dieu est l'auteur du message qui est véhiculé dans cet âge. C'est par son ordre direct que ça a été enregistré sur le monde. Ça, ce n'est pas mal comprendre. Pour savoir que le message, c'est la voix de Dieu pour aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais il y a une hérésie. Qui a été développée à partir de ça. Par ruse et par malice. Donc, les enregistrements de la voix de Dieu, il y a malheureusement des frères et des sœurs dans nos milieux du message qui lui donnent cette compréhension-ci. Quand on a parlé des enregistrements de la voix de Dieu, ça veut dire la voix que vous entendez sur les bancs, c'est ça la voix littérale de Dieu. C'est la voix que vous entendez sur les bancs. C'est ça la voix littérale de Dieu. Que si le Dieu du ciel a une voix, il parle comme la voix que vous entendez sur les bandes là. Alors la voix qu'il y a sur les bandes là, du début à la fin, c'est ça la voix de Dieu. Ce qui veut dire que tout ce que vous entendez mot à mot, c'est le que Dieu qui parle. Vous voyez ça? C'est une hérésie. Cette hérésie veut dire simplement quoi? La voix de Dieu, c'est la voix littérale de Frère Branham. Ça ne peut pas être vrai sans que William Branham ne soit lui-même Dieu. Nous nous croyons bibliquement que Dieu a parlé par sa bouche. Il nous a donné son message. Mais tout ce qu'il a dit, ce n'est pas forcément Dieu qui a dit. Mais il y a des frères et des sœurs qui ont des difficultés pour croire correctement. Si l'entend le dit ça, oh, frère David ne croit pas au prophète. Toujours le même esprit de la déformation. Il ne vous a pas dit qu'il ne croit pas au prophète, mais il précise les choses. Maintenant, quand ils veulent prendre un verset biblique pour justifier cette hérésie, Apocalypse 10, verset 6. Au jour de la voix. Vous voyez, il termine par la phrase telle qu'elle est dans le verset. Ils disent, mais au jour de la voix. Dieu avait promis la voix. Mais c'est ça la voix de Dieu. Chers amis, terminez la lecture du verset. C'est la voix de qui? Dans le verset 7. Et pourquoi la Bible a-t-elle précisé que c'était la voix du septième ange? Le septième ange est-il Dieu? Voilà. Mais le septième ange, il était l'un de sept anges, l'une de sept étoiles, à la main droite, du fils de l'homme qui est Dieu. Si le septième ange était Dieu, alors le premier ange aussi était Dieu, le cinquième ange était Dieu, tous les sept étaient de Dieu dans l'âme. Et vous avez combien de Dieu finalement? Voilà, dans les sermons, les joints du temps de la fin. Frère Branham m'a dit, le septième ange n'est pas le fils de l'homme. Amen. Mais le septième ange, il est un messager de la part du Fils. Vous ne vous nourrissez pas des paroles d'un homme. Mais vous vous nourrissez des paroles du Fils de l'homme. Ce qui nourrit votre âme. N'est-ce pas vrai? Maintenant, dans le sermon, il prend soin et vous. On lui a posé une question. Avez-vous prophétisé que Martin Luther King, le leader noir là qui faisait du bruit aux États-Unis, on lui demande, avez-vous prophétisé qu'il va conduire les noirs, 2 millions de noirs à la mort? Parce que ça c'était dit dans cette bande, d'après la compréhension des frères. C'était aussi dans la voix qui était sur les bandes. Et frère Branham répond comme ça. Bien-aimés frères, je vous ai toujours dit de faire très attention quand vous recevez les bandes. Car là-dedans, c'est-à-dire dans les bandes, il y en a beaucoup qui n'est que le côté humain. Dans les bandes, il y a beaucoup de choses dedans qui n'est que le côté humain. Mais quand c'est le Seigneur qui me dit pour vous le dire en direct, je vous le dirai que ça ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Ceci est un démenti cinglant. La théorie qui veut que la voix de frère Branham, c'est la voix littérale de Dieu. Lui a fait la part des choses entre le côté humain et le côté divin. Le côté humain est faillible. Le côté divin est infaillible. Il n'y a pas de confusion. Ceux qui veulent les confusions, eux-mêmes aiment les confusions. Mais si par exemple quelqu'un, on peut lui dire ça, mais il ne veut pas se laisser corriger. Il ne veut pas se laisser aider. Parce qu'il aime tellement la fausseté. Et il veut croire la fausseté. Où est la faute de Dieu après? Il périra de son propre endurcissement. Dieu nous aide toujours. Tenez la main immuable de Dieu. Tenez sa main de secours. La question nous a ajouté un peu de minutes encore. Voilà que nous voulions terminer un peu plus tôt aujourd'hui. Tenons-nous debout pour la prière. Oh, le Seigneur est là. Le Seigneur seul éclaire mon chemin. Ta parole. Seul le Seigneur. Seigneur, seul éclaire mon chemin, ta parole, seul peut, ta parole, seul peut, ta parole, celle peut. Poloane inge seize la nanda, ni loba, eza le mwinda. Poloane inge seize la nanda. Liloba, et ça le moindre. Prions chacun. Bon de la mort, mon corps. Lave-moi, Seigneur. Oh Jésus, lave-moi. Lave-moi, Seigneur. Oh Jésus, lave-moi. Seigneur, lave-moi chaque jour, chaque nuit par la force du Saint-Esprit. Lave-moi, oh Jésus, lave-moi chaque jour, chaque jour, chaque nuit par la force du Saint-Esprit. Lave-moi, oh Jésus, lave-moi. Mon Dieu, conduis-moi, Seigneur. Jésus, conduis-moi. Chaque jour, conduis-moi, Seigneur. Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Conduis-moi. Oh, Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque jour, chaque nuit, par la force, Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Mon Dieu, change-moi, Seigneur. Jésus, change-moi. Chaque jour, change-moi, Seigneur. Jésus, change-moi. Chaque jour, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change. Oh ouais, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change-moi. Mon roi, bénis-moi, Seigneur. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mon Dieu, bénis-moi, Seigneur. Jésus, bénis. Ah ouais, chaque jour, chaque nuit, par la force. Ah, bénis-moi. Oh Jésus, bénis. Oh oui, chaque jour, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi, oh Jésus, bénis-moi. Dieu merveilleux et parfait, nous te remercions et nous t'adorons pour cette belle soirée que tu nous as donnée, que tu as placée sur notre chemin, sur notre parcours terrestre, pour écouter l'évangile, les mises en garde, les directives, les enseignements de la vérité, car c'est tout ce qui doit nourrir nos âmes. Merci d'avoir pensé à nous. Il y a eu un morceau dur à croquer pour l'un ou l'autre des enfants de Dieu. Intervient en sa faveur, clarifie ce qui n'est pas clair. L'enseignant intérieur, le Saint-Esprit, prenne soin de cet âme-là pour l'édifier dans la foi et dans la vérité. Car toi, tu veux d'une église établie dans la foi et la vérité biblique. La parole immuable, la parole qui ne change jamais. L'évangile que Paul avait prêché, celui que Pierre avait prêché, celui que Branham a restauré, les mêmes vérités, elles trouvent place au fond de nos cœurs, qu'elles puissent être vivifiées par le Seigneur. Jusqu'à ce que tu viennes nous chercher ici. Nous sommes en préparation pour le retour de Christ, pour un enlèvement imminent. Ne laisse aucun de nous distraire, mais réveille chacun de nos esprits pour être prêt à tout instant et ne pas manquer le grand rendez-vous. Pardonne nos péchés chaque jour. Sois notre guide partout, Seigneur. Et toujours dans sa volonté parfaite. Ne nous laisse pas être la proie de tout seul. Mais libère-nous de tous les esprits méchants. Pour que nous soyons dans les mains du bon berger. Le bon berger des brebis. Donne à chacun de nous la nature des brebis. Régénère-nous, Seigneur, par ta vérité. Pour que nous puissions refléter Dieu lui-même. Les vertus de la parole. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de la main, nous prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Là, nous arrivons à l'étape terminale, par la grâce de Dieu.